إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous avons parlé dans des cours précédents de l'importance de la prière qui est le pilier de la religion, ainsi que de l'obligation pour le musulman d'y être assidu en accomplissant ces cinq prières en leur temps et en remplissant leurs conditions, leurs piliers et leurs obligations tout en s'appliquant à accomplir ce qui est recommandé dans ces prières. Et dans l'assise d'aujourd'hui, nous allons parler des prières surrogatoires, qui sont les prières qui ont été légiférées pour nous, en plus des prières obligatoires. Et celles-ci font partie des meilleures adorations par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elles comprennent de nombreux mérites. Parmi les mérites des prières surrogatoires, ou des œuvres surrogatoires de manière générale, il y a le fait qu'elles te permettent d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi, « Certes, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que je n'aime plus que ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire les œuvres obligatoires. » C'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus de son serviteur. Donc le musulman, il commence toujours par ses obligations. Car c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus de toi. Ensuite il dit, « Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » C'est-à-dire que plus tu es assidu aux œuvres surérogatoires après avoir accompli tes obligations, plus tu obtiendras l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et entre dans cela les prières surérogatoires. Donc celui qui est assidu à ces cinq prières, et qui en plus de cela, il fait les rawatib, il fait la prière de nuit, il fait salat al-duha, et ainsi de suite parmi les prières surérogatoires, comme on va le voir. Alors celui-ci, en faisant ces prières, il obtient bi'idhnillahi ta'ala l'amour de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Également parmi les mérites des prières surérogatoires, il y a le fait qu'elles viendront combler les éventuels manquements que tu as eus dans tes prières obligatoires. En effet, nul parmi nous n'est à l'abri des manquements dans ses prières. Donc les prières surérogatoires, elles viendront combler ces manquements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, « Au jour de la résurrection, la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé est sa prière. » Et ça, cela te montre également l'importance de cette prière. L'importance de ne pas négliger cette prière, qui est la première chose sur laquelle tu seras jugé. Si on la trouve complète, on l'inscrira complète. Et si elle est déficiente, s'il y a des manquements dans cette prière, il dira, regardez s'il faisait des prières surérogatoires. On complétera alors ce qu'il a négligé comme prière obligatoire par ses prières surérogatoires. Puis on fera de même pour le reste des œuvres. Donc au jour de la résurrection, si des manquements sont observés dans tes prières obligatoires, on regardera si tu faisais des prières surérogatoires afin de compléter ces manquements, compléter cette déficience. Donc ceci te montre l'importance de faire des prières surérogatoires en plus de tes prières obligatoires. Également parmi les mérites des prières surérogatoires et de la prière de manière générale, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé au sujet d'une œuvre qui fait entrer au paradis. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « Multiplie les prosternations pour Allah, car tu ne fais pas une seule prosternation sans qu'Allah ne t'élève par celle-ci d'un degré et qu'il t'expie par celle-ci un péché. » Allahu Akbar. Chaque prosternation. Chaque fois que tu te prosternes, Allah subhanahu wa ta'ala t'élève d'un degré et t'expie par cette prosternation un péché. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ceci fait partie des œuvres qui font entrer au paradis, de multiplier les prosternations. Donc, de multiplier les prières surérogatoires, en plus de nos prières obligatoires. Également parmi les mérites des prières surrogatoires, il y a le fait que celles-ci vont t'aider à être assidu à tes prières obligatoires et elles vont te préserver de leur délaissement. En effet, celui qui multiplie les prières surrogatoires, qui fait toujours ses rawatib, par exemple, qui fait la prière de la matinée, qui fait la prière de nuit. Si un jour il est pris par certaines occupations, s'il lui arrive de délaisser une chose, il va alors délaisser sa prière surrogatoire. Mais il ne va certainement pas délaisser sa prière obligatoire. Également le fait d'être assidu à cela, d'être assidu à ses prières surrogatoires, ça va te pousser à être à l'heure à ta prière afin de pouvoir l'accomplir. Celui par exemple qui veut accomplir ses 2 unités de sunna avant la prière de l'fajr et ses 4 unités de rawatib avant la prière de dhuhr. Ceci va le pousser à venir à l'heure à la prière afin de pouvoir les accomplir. Donc celles-ci vont t'aider à l'assiduité aux prières obligatoires et elles vont te préserver du délaissement et de la négligence de tes prières obligatoires. Donc tout ceci nous encourage à multiplier les prières surrogatoires. Et pour ce faire, il est nécessaire pour nous de les connaître et de savoir quelles sont les différentes prières surrogatoires qui sont légiférées pour nous et comment les accomplir. Donc tout d'abord, d'un point de vue général, il faut savoir que les prières surrogatoires sont de 2 sortes. Il y a ce que l'on appelle en arabe « al-nawafil al-mutlaqa » et « al-nawafil al-muqayyada ». « Al-nawafil al-mutlaqa » ce sont les prières surrogatoires que l'on pourrait qualifier de libres, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas délimitées par un temps précis et n'ont pas de cause particulière. Ce sont les prières que tu accomplis librement comme tu le désires. Si tu as envie de prier 2 unités selon ta volonté, à tout moment du jour ou de la nuit. Celles-ci sont les prières surrogatoires libres. Tu peux les accomplir à tout moment, sauf durant les temps d'interdiction, qui sont au nombre de 3. Premièrement, du lever de l'aube, l'heure du fajr, jusqu'au lever complet du soleil, c'est-à-dire jusqu'à ce que le soleil s'élève de la hauteur d'une lance, ce qui équivaut environ à 15 à 20 minutes après l'heure du shuruq. Donc de l'heure du fajr jusqu'à 15 ou 20 minutes après le shuruq, il est interdit de prier, à l'exception de la prière obligatoire bien sûr, et de la prière sunna du fajr, ou une prière qui a une cause comme la prière de salutation de la mosquée. Il n'est pas permis de faire d'autres prières. Le deuxième temps d'interdiction, c'est lorsque le soleil est au zénith. Le zénith qui correspond au moment où le soleil atteint son point culminant, le point le plus haut. À ce moment-là, c'est la fin du temps de la matinée. Et durant 10 minutes approximativement, il est interdit de prier. Puis le soleil décline vers l'ouest. Il commence à redescendre de l'autre côté. Et c'est à ce moment qu'entre le temps de la prière du dhuhr. Donc, pour résumer concernant ce temps, environ 10 minutes avant l'heure du dhuhr, il est interdit de prier des prières surrogatoires libres. Le troisième temps, c'est après la prière de l'asr, jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'entre le temps de la prière du maghrib. Ces 3 temps sont les temps durant lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier. Et comme on a dit, ce qui est visé par l'interdiction, ce sont les nawafil al-mutlaqa, les prières surrogatoires libres qui ne sont pas liées à une cause ou un événement. La deuxième sorte de prières surrogatoires, ce sont les nawafil al-muqayyada, celles qui sont déterminées par un temps précis ou qui sont liées à une cause. Certaines sont liées aux prières obligatoires, comme par exemple les rawatib, et d'autres sont indépendantes et sont liées à un temps, comme la prière de la matinée ou encore la prière du witr. Et c'est de celle-ci que l'on va parler dans notre assise, Inch'Allah ta'ala. Commençons donc par les rawatib. Les prières rawatib, ce sont les prières surrogatoires et recommandées qui sont accomplies de manière constante avec les prières obligatoires. Et leur temps est le même que celui des prières auxquelles elles sont liées. Retenez bien cela, ceci est très important. Leur temps est le même que celui des prières auxquelles elles sont liées. Et elles sont au nombre de 12 unités. 4 avant Dhor et 2 après. 2 après Maghrib, 2 après Aïcha et 2 avant Fajr. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, a dit « J'ai retenu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faisait 2 unités avant Dhor et 2 après. 2 après le Maghrib chez lui, 2 après l'Aïcha chez lui et 2 avant la prière de Sobh. C'était une heure à laquelle on n'entrait pas auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Hafsa m'a rapporté qu'une fois que le muaddin faisait l'appel à la prière et que l'aube était levée, il priait deux unités. Donc Hafsa, qui est la sœur de Abdullah ibn Omar et l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a informé qu'une fois que le temps de la prière du Fajr entrait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait deux unités qui sont les deux unités de Sunnat al-Fajr. Et Aïcha radiyallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait chez moi quatre unités avant Dhuhr, et sortait ensuite diriger la prière aux gens. Puis il entrait et priait deux unités, c'est-à-dire après le Dhuhr. Il dirigeait la prière du Maghreb aux gens, puis il entrait et priait deux unités. Et il dirigeait la prière du Isha aux gens, puis il entrait chez moi et priait deux unités. On retrouve donc ici les 12 unités des prières de Rawatib. Et celles-ci, comme on a dit, elles ont le même temps que celui des prières auxquelles elles sont liées. On a dit qu'il y a 4 unités à accomplir avant Dhuhr. Qu'est-ce que cela signifie avant Dhuhr? Est-ce que cela signifie avant l'heure de Dhuhr ou avant l'accomplissement de la prière obligatoire de Dhuhr? La réponse est que cela signifie avant l'accomplissement de la prière obligatoire de Dhuhr, mais seulement une fois que son temps est entré. Car avant l'entrée du temps de Dhuhr, il y a le temps d'interdiction durant 10 minutes et avant cela, c'est la prière de la matinée. Donc les rawatib qui précèdent la prière de Dhuhr, elles s'accomplissent seulement une fois que le temps de la prière de Dhuhr est entré. Et il en est de même pour Sunnat al-Fajr, la prière sunna, qui précède le Fajr. On dit deux avant le Fajr, c'est-à-dire deux avant l'accomplissement de la prière obligatoire du Fajr. Mais pas avant l'entrée de leur temps. Regarde dans le hadith de Abdullah ibn Umar. Hafsa m'a rapporté qu'une fois que le muaddin faisait l'appel à la prière et que l'aube était levée, une fois que le temps du Fajr était entré, il priait deux unités. Donc ceci c'est très important car nombre de nos frères et sœurs comprennent lorsque l'on dit avant Dhuhr ou avant Fajr que c'est avant l'entrée du temps de cette prière. Et ceci est une erreur et une incompréhension. Donc notez bien cela, barakallahu fikum. Et ces prières rawatib, elles ont un mérite immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, il n'y a pas un serviteur musulman qui prie chaque jour pour Allah 12 unités de prières surérogatoires en dehors des obligatoires sans qu'Allah ne lui construise une maison au paradis. Une maison au paradis, un paradis éternel. Ce n'est pas une maison dans ce bas monde. Les gens dans ce bas monde, ils font des efforts, ils luttent, ils travaillent jour et nuit, ils épargnent de l'argent pour pouvoir construire une maison qu'ils vont perdre et qui va être vendue par ses héritiers pour se partager le montant de sa vente. Mais en accomplissant simplement 12 unités de prière surérogatoires dans ta journée, tu obtiens une maison au paradis, un paradis éternel. Donc médite sur ce mérite immense. Et ceci te fera prendre conscience de l'importance de ces quelques prières qui ne prennent que quelques minutes dans ta journée et qui te permettront d'obtenir ce mérite immense. Et certains parmi les gens de science ont dit que ce hadith nous démontre avant cela que ces prières sont une cause pour entrer au paradis. Car celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala construit une maison au paradis, c'est qu'il va entrer au paradis. Donc sois assidu à ces 12 unités de prière. 4 avant Dhuhr, 2 après Dhuhr, 2 après le Maghreb, 2 après l'Isha et 2 avant le Fajr. Et concernant les 4 unités avant Dhuhr, certains pourraient dire comment les accomplir. Est-ce qu'on les accomplit en accomplissant 2 prières de 2 unités? Ou est-ce qu'on peut les accomplir en accomplissant 4 unités d'un seul coup avec un seul tashahhud à la fin? La réponse est que ces deux manières sont légiférées. Mais certains parmi les gens de science considèrent qu'elles ne doivent être accomplies que en 2 prières de 2 unités. Donc celui qui fait cela, il sort ainsi de la divergence. Et parmi ces 12 unités, tu dois savoir qu'il y a une prière qui se distingue par un mérite particulier, et qui sont les 2 unités du Fajr. Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit, comme le rapportent les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, qu'il n'y a pas une prière surérogatoire à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus assidu qu'aux 2 unités du Fajr. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, elles sont meilleures que ce bas monde et ce qu'il contient. Et dans une autre narration, il dit, je les préfère à tout ce bas monde. Tout ce bas monde, toutes ses richesses, tout ce qu'il contient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il préférait ces 2 unités surérogatoires que tu accomplis avant la prière du Fajr. Et nombre de personnes négligent ces 2 unités. Ils préfèrent somnoler ou négliger ces deux unités qui sont meilleures que ce bas monde et ce qu'il contient pour quelques minutes de sommeil. Donc ne néglige pas ces deux unités. Et si elles sont meilleures que ce bas monde et ce qu'il contient, c'est parce que ce bas monde est éphémère. Il les voit disparaître. Alors que ces deux unités que tu accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala, elles font partie des œuvres pieuses qui perdureront et que tu retrouveras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les préférait à tout ce bas monde. Et c'est pour cela qu'il ne les délaissait jamais, même lors de ses voyages. Contrairement aux autres rawatib. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage, il n'est pas rapporté de lui qu'il accomplissait une ratiba, à l'exception de celle du fajr. Et il accomplissait également la prière du witr. Mais les autres rawatib, la ratiba du dhuhr, la ratiba del maghrib et la ratiba del isha, il ne les accomplissait pas. Il n'accomplissait que la ratiba du fajr. Parmi les questions que se posent nombre de personnes au sujet des rawatib, il y a ce qui concerne leur rattrapage. Est-il permis ou non de rattraper les rawatib si un jour je les ai manqués? La réponse est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour rattrapé, après la prière de l'asr, les deux unités qu'il avait l'habitude d'accomplir après le dhuhr. Ceci est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc si après le dhuhr tu as manqué la ratiba qui la suit, il te sera permis de la rattraper après l'asr. De même qu'il est rapporté de lui, sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il ne priait pas quatre unités avant le dhuhr, il les priait après. Donc si par exemple un jour tu es arrivé en retard à la prière, et que tu entres à la mosquée alors que l'imam a déjà commencé la prière de dhuhr, et que tu as l'habitude d'accomplir ces quatre unités avant dhuhr. Après la prière, il te sera permis de les rattraper. Et la ratiba du fajr, il est possible de la rattraper de deux manières. Soit tu la rattrapes après la prière obligatoire, c'est-à-dire après le fajr, tu fais tes adhkars, et ensuite tu rattrapes la ratiba du fajr si tu l'as manqué, si tu es arrivé à la mosquée et que l'imam avait déjà commencé la prière. Et le mieux est de la rattraper après le lever du soleil, c'est-à-dire 15 ou 20 minutes après le shuruq. Durant la matinée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, celui qui n'a pas prié les deux unités de Fajr, qu'il les accomplisse une fois le soleil levé. Donc ceci sont les deux manières de rattraper cette prière. Ou bien, après la prière obligatoire, et ceci fait exception à l'interdiction de prier durant ce temps, ou bien, après le shuruq, c'est-à-dire 15 ou 20 minutes après le shuruq, et ceci est préférable. Ceci concernait donc les prières rawatib. Passons maintenant à ce qui concerne le witr et la prière de nuit. La prière de nuit, comparée aux autres prières surrogatoires, a un mérite particulier. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, la meilleure prière après celle qui est obligatoire est la prière de nuit. Et lorsqu'on parle de la prière de nuit, on va inévitablement parler de la prière du witr. Ce witr qui est la prière impaire par laquelle on clôture la prière de nuit. Et cette prière peut être priée de différentes manières, en 1 à 11 unités. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière de nuit s'accomplit en prière de 2 unités. C'est-à-dire que tu accomplis plusieurs prières de 2 unités. Et si l'un d'entre vous craint l'arrivée de l'aube, qu'il prie une unité en guise de witr pour ce qu'il a prié. C'est-à-dire que tu clôtures cette prière de nuit par une unité de witr. Et il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut prier le witr en 5 unités, qu'il le fasse. Celui qui veut prier le witr en 3 unités, qu'il le fasse. Et celui qui veut prier le witr en 1 unité, qu'il le fasse. Donc on voit qu'il est possible de prier seulement une unité du witr. Ceci est le minimum. Mais le minimum de la perfection est de faire au moins 3 unités. Et lorsque tu fais le witr en 3 unités, il t'est permis de le faire de 2 manières. Ou bien tu fais d'abord 2 unités, puis ensuite tu ajoutes une unité, ou alors tu fais une seule prière de 3 unités avec un seul tashahhud à la 3e unité. Ceci sont les 2 manières de faire le witr en 3 unités. Et si tu le fais en 5 unités, tu accompliras 5 unités de prière avec un seul tashahhud à la 5e unité. Et il est aussi possible de le faire en 7 unités en accomplissant un seul tashahhud à la 7e unité. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que le witr peut s'accomplir de différentes manières. Et en ce qui concerne le nombre d'unités à accomplir durant la prière de nuit, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne priait pas plus de 11 unités la nuit, que ce soit durant Ramadan ou les autres mois. Donc ceci est sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas prier plus de 11 unités durant la nuit. Donc si tu as prié avec l'imam durant le mois de Ramadan, la prière de Tarawih en 11 unités, tu t'es conformé à la sunna. Et il n'y a pas lieu après cela d'ajouter d'autres prières durant la nuit. Mais si tu souhaites prier, que tu as envie d'ajouter des prières, notamment durant le dernier tiers de la nuit, et que tu as envie de faire des prières surrogatoires, alors il n'y a pas d'interdiction à cela. Et il t'est possible de faire des prières de 2 unités. Mais tu ne referas pas le witr car tu l'as déjà fait avec l'imam. Donc le temps de la prière de nuit, il commence après la prière du Isha, il termine au lever de l'aube. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le witr à tout moment de la nuit, en son début, en son milieu et sa fin, et sa dernière habitude était de le faire avant l'aube. Et le meilleur moment pour prier le witr dépend de la situation de la personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui craint de ne pas se lever en fin de nuit, qu'il fasse le witr en son début. Si tu sais que tu as du mal à te lever avant le fajr, alors le mieux pour toi est de faire le witr en début de nuit, avant de dormir. Et il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, mais celui qui espère se lever en sa fin, celui qui espère se lever avant le fajr, en fin de nuit, alors qu'il prie le witr en fin de nuit, car la prière en fin de nuit est observée, et ceci est meilleur. C'est-à-dire que les anges assistent à cette prière. Ceci est donc plus méritoire. Mais celui qui sait qu'il ne pourra pas se lever à ce moment-là, il sera mieux pour lui et préférable d'accomplir le witr en début de nuit. Et celui qui a l'habitude d'accomplir le witr, mais qui un jour l'a manqué, que l'aube se lève alors qu'il n'a pas prié le witr, il lui sera possible de le rattraper durant le temps de la matinée en nombre pair d'unités. En effet, il est rapporté que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam manquait la prière de nuit en raison d'une douleur ou autre, il priait durant la journée 12 unités. Pourquoi 12 unités? Car il avait l'habitude d'accomplir la prière de nuit en 11 unités. Donc, il priait 12 unités durant la matinée. Par conséquent, celui qui a l'habitude de prier le witr en 3 unités, si ton habitude c'est de faire 3 unités pour le witr, et qu'une nuit tu l'as manqué, tu pourras le rattraper durant la matinée en faisant 4 unités, 2 et 2. Si tu as l'habitude de prier le witr en 5 unités, tu pourras le rattraper durant la matinée en faisant 6 unités et ainsi de suite. Tu ajoutes une unité pour rendre cette prière paire. Et tu le rattrapes durant le temps de la prière de la matinée. Et c'est de cette prière que nous allons parler maintenant. La prière de la matinée. Salat al-Duha. Quel est son temps? Son temps commence au lever du soleil. Lorsqu'il s'élève à hauteur de la taille d'une lance. C'est-à-dire environ 15 à 20 minutes après l'heure du shuruq. Et il termine à l'approche du temps de la prière de Dhuhr. Lorsque le soleil atteint son point culminant, comme on a dit, environ 10 minutes avant Dhuhr. Durant toute cette plage horaire, il t'est possible de prier Salat al-Duha, la prière de la matinée. Et cette prière a un mérite particulier. En effet, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il incombe à chacun d'entre nous de faire une aumône pour chacune de nos articulations. Et tes articulations sont nombreuses, donc il t'incombe de nombreuses aumônes chaque jour. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna certaines actions relevant de l'aumône. Il mentionna le dhikr, le commandement du bien, l'interdiction du mal, aider un homme à monter sur sa monture et autres parmi les actions qui relèvent de l'aumône. Puis il dit ensuite: et une prière de 2 unités durant la matinée suffit pour s'acquitter de cela. Allahu Akbar, tu accomplis 2 unités durant la matinée et tu te seras acquitté des aumônes desquelles tu es redevable quotidiennement. Donc ceci te montre l'importance de cette prière. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul n'est assidu à la prière de la matinée si ce n'est un repentant. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: c'est la prière des repentants. Donc ceci te montre son mérite et t'incite à accomplir cette prière et à y être assidu. Et en combien d'unités s'accomplit cette prière? La réponse est qu'elle peut être priée en 2 à 8 unités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière de la matinée en 4 unités. Et il ajoutait ce qu'Allah voulait, c'est-à-dire qu'il ajoutait parfois à cela. Et l'année de la conquête de la Mecque, il pria 8 unités durant la matinée. Donc il t'est possible de faire 2 unités, 4 unités, 6 unités, 8 unités en fonction de ce qui t'est facilité. Et cette prière, elle peut être accomplie d'une manière particulière, te permettant d'obtenir un mérite immense. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie Sobh en groupe et reste assis en évoquant Allah jusqu'au lever du soleil, puis prit deux unités. Elles seront pour lui comme la récompense d'un pèlerinage et d'une umra complet, complet, complet. Donc c'est après avoir prié la prière du Fajr, tu restes à la mosquée pour faire du dhikr, ou pour lire le Coran, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, une fois le temps de la matinée entrée, c'est-à-dire 15 à 20 minutes après le shuruq, tu accomplis deux unités de la prière de la matinée. Alors ceci équivaudra pour toi à la récompense d'un pèlerinage et d'une umra complet, complet, complet. Donc tu vois que ceci est un mérite immense à ne pas négliger. Et le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a été interrogé afin de savoir comment peut faire la femme qui souhaite obtenir cette récompense. Est-ce que cela est possible pour elle? Il répondit, rahimahullah, que ceci est possible pour elle si elle reste sur son lieu de prière jusqu'au lever du soleil, et qu'elle s'occupe par le rappel d'Allah, la lecture du Coran, la proclamation de la pureté et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant le tasbih, le tahlil, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Puis une fois que le soleil s'est élevé, elle prit deux unités, et elle est comprise dans le hadith, alhamdulillah. Donc si elle reste sur son lieu de prière, l'endroit où elle a prié le fajr, qu'elle évoque Allah, qu'elle lit le Coran, puis qu'une fois que le soleil se lève, c'est-à-dire 15 ou 20 minutes après le shuruq, elle prit deux unités, elle obtient cette récompense, Inch'Allah ta'ala. Donc ceci est une noble action à ne pas négliger en raison de son mérite immense. Et concernant celui qui souhaite accomplir cette prière à la mosquée, il y a de nombreuses questions qui se posent. Est-ce qu'il doit impérativement rester à sa place où il a accompli la prière de sobh? Ou est-ce que s'il reste dans la mosquée, cela est suffisant? La réponse est que s'il reste à sa place, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de doute que il est sorti de cette problématique en restant assis à l'endroit où il a prié la prière du Fajr. Mais s'il a besoin par exemple de s'adosser à un poteau, ou s'adosser à un mur, ou se lever pour prendre le mushaf, ou s'asseoir ailleurs dans la mosquée, alors il n'y a pas de gêne en cela, Inch'Allah ta'ala, et cela ne le fait pas sortir de la récompense mentionnée dans ce hadith. Également, si la personne perd ses ablutions et a besoin de sortir pour renouveler ses ablutions, alors elle ne sort pas de la récompense de ce hadith, Inch'Allah ta'ala, car elle n'aura quitté son lieu de prière qu'en raison de ce cas de nécessité qui est le renouvellement de ses ablutions. Ceci était donc ce qui concernait la prière de la matinée. Et il faut savoir qu'il y a d'autres prières surérogatoires qui sont recommandées. Par exemple, après la prière du vendredi, après Salat al-Jumu'ah, il est légiféré de faire 2 ou 4 unités. Après la prière du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 2 unités chez lui. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous accomplit la prière du vendredi, qu'il prie 4 unités après elle. Et les gens de science ont divergé au sujet de la réunion entre ces deux hadiths. Certains ont dit que lorsque tu pries cette prière chez toi, tu l'accomplis en 2 unités. Et si tu l'accomplis à la mosquée, alors tu l'accomplis en 4 unités. Également, parmi les prières recommandées, il y a le fait de prier 4 avant la prière de Dhuhr et 4 après celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie 4 avant Dhuhr et 4 après, Allah l'interdit à l'enfer. Allah l'interdit à l'enfer, l'enfer ne le touchera pas. En priant 4 unités avant Dhuhr et 4 après. Et comment faire pour obtenir ce mérite? Est-ce que je dois ajouter 4 autres unités en plus des rawatib que j'accomplis avant Dhuhr? Ou alors est-ce que celles-ci sont suffisantes? La réponse est que celles-ci sont suffisantes. Pour obtenir le mérite mentionné dans ce hadith, si tu as l'habitude d'accomplir les rawatib, que tu as accompli déjà 4 avant Dhuhr et 2 après, alors tu ajouteras 2 autres unités après le Dhuhr. Et tu obtiendras ainsi le mérite mentionné dans ce hadith. Également parmi les prières recommandées, il y a le fait d'accomplir 4 unités avant la prière de l'Asr, c'est-à-dire une fois que son temps est entré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui prie 4 unités avant l'Asr, entre la dan et l'Iqamah. Également, parmi les prières recommandées, il y a la prière entre les deux appels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre les deux appels, il y a une prière. Entre les deux appels, il y a une prière. Entre les deux appels, il y a une prière. Puis il a dit, pour celui qui veut. C'est-à-dire qu'entre chaque adan et Iqamah, il est légiféré de faire 2 unités de prière. Également parmi les prières aux récompenses immenses que l'on a déjà vues dans un cours précédent, il y a les 2 unités à accomplir après les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Nul parmi vous ne fait des ablutions, il est parfait. Puis prit deux unités durant lesquelles il rassemble son cœur et son visage, sans que le paradis ne lui soit garanti. Également parmi les prières recommandées, il y a le fait de prier deux unités en sortant de chez soi et en entrant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, « Lorsque tu sors de chez toi, prie deux unités. Elles te protégeront du mal qui pourrait se produire à l'extérieur. Et lorsque tu entres chez toi, prie deux unités. Elles te protégeront du mal qui pourrait se produire à l'intérieur. » Enfin, pour terminer, j'aimerais mentionner deux recommandations que l'on trouve dans les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première recommandation est d'accomplir les prières surérogatoires chez soi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, « La meilleure des prières est la prière de l'homme dans sa maison, à l'exception de la prière obligatoire. » Et il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, « Lorsque l'un d'entre vous a terminé sa prière dans sa mosquée, qu'il fasse une part de ses prières chez lui. » Allah placera du bien chez lui en raison de sa prière. Donc ne faites pas de vos maisons des tombes. Certains parmi nos frères, ils accomplissent toutes leurs prières surérogatoires à la mosquée. Ils rentrent chez eux et ils n'accomplissent aucune prière. Et ceci est une erreur. Ne fais pas de ta maison une tombe, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais place une partie de tes prières surérogatoires dans ta maison, en accomplissant la prière de nuit, la prière du witr, et ainsi de suite parmi les prières surérogatoires. Et également parmi les recommandations immenses à ce sujet, il y a le fait de choisir parmi ces prières ce dont tu es capable, afin d'être constant dans leur accomplissement. Il est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, « L'œuvre la plus aimée d'Allah est celle sur laquelle on est constant, aussi minime soit-elle. » Il est venu dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, que la prière préférée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était celle sur laquelle on est constant, aussi minime soit-elle, et lorsqu'il faisait une prière, il était constant dans son accomplissement. Donc, choisis parmi ces prières, celle que tu es capable d'accomplir, et veille à être constant dans leur accomplissement. Ceci était donc un résumé des prières surérogatoires qui sont légiférées, ainsi que de leur description et de leur mérite, et vous pouvez retrouver l'essentiel des hadiths que j'ai mentionnés dans le cours d'aujourd'hui, dans un dépliant que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site intitulé « Les prières surérogatoires, leur description et leur mérite ». Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à être assidus à nos prières obligatoires et à les faire suivre des prières surérogatoires afin d'être parmi ceux qui obtiennent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحابته أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.